Varenne, le pâté de castor. En Provence, où il y a de tout, il y a aussi des castors. Le long du Rhône, toute maison qui se respecte montre avec orgueil, précieusement empaillée, quelquefois même défendue par une cage en verre, comme l'inguanodon bruxellois, un castor que chacun prétend être le dernier castor ayant vécu dans le pays. Voilà peut-être beaucoup de derniers castors. N'importe, ici, nous ne nous étonnons pas de si peu. Mais rassurez-vous, malgré ces vantardises cynégétiques, les castors n'ont pas disparu. Il en reste quelques-uns en Camargue. Seulement, on les y appelle des vibres. Traqués et craintifs, ayant perdu leur humeur sociable, désappris l'art de bâtir, ils vivent là, par rares couples, et habitent d'obscurs terriers qu'ils se creusent au niveau de l'eau, dans l'argile humide des berges. Autrefois, les castors étaient certainement plus nombreux, puisqu'on en parle encore, entre Avignon et Arles. Des pâtés de castors incomparables, paraît-il, qui, des siècles durant, firent la fortune et l'honneur de l'illustre prieuré de Belles Ombres. Dans cet heureux temps, tranquille à l'ombre de ses tours, derrière ses fossés pleins d'eau claire et plus frétillants que des viviers, au milieu d'un grand parc clos de murs moussus et allant mourir en douce pente au bord du fleuve, Belles Ombres en ruine aujourd'hui, dressées sur le ciel bleu, très haut pour qu'il fût vu de loin, son clocher roman autour duquel tournait et luisait le vol strident des hirondelles. Tout le long du chemin qui vient du village, ce n'était qu'un long va-et-vient. Et les grilles du portail d'honneur, le battant de la poterne tourière, ne cessaient de fatiguer leurs gonds à recevoir les chevauchées de nobles pèlerins ou la visite plus modeste, mais fructueuse également, de bons paysans portant des sacs, poussant des ânes. Bon renom amène richesse, et richesse permet hospitalité. Aussi, à 20 lieues à la ronde, seigneurs, prêtres et gentes dames, la règle autorisait les dames, venez les uns un jour, les autres l'autre, s'asseoir après visite à la chapelle, dans le blanc réfectoire du couvent, toujours plus frais malgré la grande chaleur, effleurant toujours le pâté, même aux jours d'abstinence et de carême. Que dis-je? C'était en carême, le plus beau, quand Belles Ombres, faute de place, refusait du monde, et que, pour consoler les absents, une mule superbement harnachée, avec le filet de ficelle blanche et les pompons rouges et or, aux couleurs provençales, allait portant, tenu en main par un frère laid, à travers vallons et montagnes, un panier d'osier qui contenait le fameux pâté de castor. On disait « Encore un pâté que monsieur le prieur envoie au consul d'Avignon, au podestat d'Arles !» Et le pâté sentait si bon, la mule marchait d'un pas si fier, le frère laid prenait un tel air de componction et d'importance que les gens occupés au champ baissaient instinctivement la tête et avaient envie de se signer. Il faut d'ailleurs savoir que le castor comptait pour viande maigre. Urbain ou Clément, je ne sais plus lequel, mais c'est celui qui, sous un tombeau travaillé à jour, dort son sommeil papal à Villeneuve, en ayant décidé ainsi. Ce qui permettait à Belles Ombres, vu l'abondance providentielle des castors, de traiter ses hôtes royalement et aux prieurs et aux moines de s'engraisser sans faire gras et d'arborer un teint fleuri tout en respectant pieusement les prescriptions de l'Église. Donc, avec l'odeur de ses pâtés et le parfum de ses vertus, ce prieuré de belles ombres édifiait le voisinage. Mais toujours, l'esprit malin veille, et les choses ne pouvaient durer ainsi. Un matin, le second frère Lé, tout ensemble cuisinier et pêcheur, chargé en cette double qualité de confectionner les pâtés célèbres, descendait, non sans mélancolie, la pente plantée de marjolaine qui s'en va, comme vous savez, de la porte Tourière jusqu'au Rhône. Les lièvres et les lapins, immémorialement respectés et se nourrissant d'herbes à leur goût, vivaient et se multipliaient dans cet enclos béni du ciel, ainsi qu'au paradis terrestre. Ils allaient, venaient, bien tranquilles. Ils ne craignaient rien du frère Lé, et parfois, dans leur course folle, ils frôlaient les plis de son froc. Lui, cependant, ne les voyait pas, perdu dans de noires pensées et songeant à la responsabilité vraiment effroyable qui lui incombait ce jour-là. Figurez-vous que depuis une semaine, bien qu'il se levât régulièrement avant l'aube et qu'il posât ses lacets aux meilleurs endroits, en travers des sentiers que le gibier fréquente, et jusqu'à l'ouverture des terriers, aucun castor ne s'était pris. Réduit à un strict ordinaire de poissons d'étang et de légumes, les moines faisaient grise mine, et le prieur lui-même commençait à pâlir. Ceci, d'ailleurs, importait peu. Moines et prieurs n'avaient qu'à tourner ce jeune passager en pénitence. Mais voici le pire. Ce soir même, précisément, belles ombres se mettaient en liesse et offraient un repas superbe au bon roi René en personne, venu tout exprès de son château neuf de Tarascon, et au vice-légat qui, pour lui faire honneur, était allé l'attendre avec sa garde pétachine aux confins des terres papales. S'il ne s'est pas pris de castor et si le pâté attendu ne figure pas sur la table, disait le pauvre frère Lé, ma renommée est abolie et le couvent perd son honneur. Hélas, aucun castor ne s'était pris. Comment, avec la meilleure volonté du monde, créer un pâté quand le fond manque? Le frère Lé, sa besace vide, remontait lentement la côte en mâchant ses pensées amères. Et tout en haut, il regardait, noir et vague comme un remords, tire-bouchonnant au soleil levant, la matinale fumée des cuisines. Sans s'occuper de son souci, lièvres et lapins gambadaient toujours dans les herbes moites des gailles. L'un d'eux, même, comme par un fait exprès, vint s'égarer entre ses jambes. « Va des rétros !» s'écria le frère en le frappant de son bâton. Mais si juste et si sec, et si bien à l'endroit sensible que, lièvre ou lapin, la bête roula, saignant du nez. Il la ramassa. C'était un lièvre. Si au moins c'était un castor. Puis tout de suite revenu à des imaginations moins profanes, il eut honte du sang versé et se repentit sincèrement d'avoir péché par violence. Mais il ne faut à l'esprit du mal qu'un trou bien petit pour s'insinuer au cœur de l'homme. Bien qu'il en eût, et quoi qu'il invoquât les saints, le pauvre frère Lé, traînant son lièvre par les pattes, ne pouvait s'empêcher de dire « Si au moins c'était un castor !» Le pâté, qu'il fût de castor ou non, obtint un succès prodigieux. Peut-être pour en dissimuler le haut goût, notre bon frère y avait-il multiplié les épices. Une chose certaine, c'est que le roi lui fit grand fête et que le vice-légat daigna par trois fois en redemander. Plus que jamais, belles ombres et ses pâtés furent célèbres, si bien que le frère Lé, pris dans l'engrenage du crime, passait maintenant les trois quarts de ses nuits, pendant que les autres dormaient ou chantaient l'office, à massacrer, sous prétexte de pâtés de castor, lièvres et lapins au clair de lune. Les lièvres du frère Lé étaient-ils lièvres diaboliques, comme le peuple se l'imagine, ou bien comme l'expliquaient nos philosophes? La chair de ces succulents quadrupèdes devait-elle simplement sa tentatrice vertu aux plantes énergiquement aromatisées dont ils faisaient, tranquilles, en leur clos, et depuis tant de temps leur nourriture? Toujours est-il qu'à partir de ce jour, si une appétissante odeur de pâté montait quand même du prieuré, le parfum de vertu sensiblement diminua. L'enfer habitait belles ombres, et les péchés mortels, autant que véniels, les tentations et les chutes, tourbillonnaient autour de son clocher roman, plus joyeux et plus dru que, jadis, les vols d'hirondelles. Je ne répéterai pas, de telles histoires étant en général aussi irrévérentes que calomnieuses, ce qu'on racontait et ce qu'on raconte encore dans le pays au sujet du prieur et des moines. L'histoire pourtant nous apprend que le vice-légat, malgré un doux souvenir de gourmandise, du maître en interdit le prieuré. Et maintenant encore, si une fillette, un garçon, par candeur ou timidité, manque de hardiesse amoureuse, les gens leur conseillent volontiers d'aller au prieuré de belles ombres manger le pâté de castor. 1er décembre 1894. Fin du conte de Paul Arène, Le pâté de castor.